Les comités préparatoires serbes et indonésiens pour la journée de la brillante étoile sont constitués respectivement. Ils ont décidé d'organiser des cérémonies politiques et culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits du général Kim Jong-il depuis le 24 janvier jusqu'au 17 février. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du Comité préparatoire national pakistanais pour la journée de la brillante étoile s'est tenue à Karachi.